Salut à toi, jeune rôliste. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% des rôlistes jouaient à 5% des jeux? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et jouer à l'appel de Cthulhu toutes les semaines? Ou commencer très rapidement à faire du roleplay avec moi grâce à ta bourse AD et peut-être peut acquérir ce genre de PDF haut de gamme sur Itch.io? Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour te payer tes suppléments Warhammer. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Fais le bon choix. Bisous. Salut à toi, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Ici, c'est Thomas Munier. Je viens un petit peu squatter ce nouveau podcast Frankenstein pour répondre à la question de Tapis Virginia. C'est quoi les jeux alternatifs et pourquoi vous aimez en faire? Alors, c'est une question qui a déjà été pas mal débattue. On avait enregistré justement une Franken table ronde sur les jeux de rôle alternatifs. C'est sur le blog Outsider. Donc, c'est compliqué d'en parler sans retomber dans les mêmes marronniers, mais je vais quand même, bon, je vais essayer quand même. Il faut voir. Alors, on en avait discuté sur le Discord de Casus No, et il y avait un intervenant qui avait fait une remarque vachement intéressante, c'est de dire tous les jeux de rôle sont alternatifs, c'est-à-dire que chaque jeu de rôle est en fait une alternative à un autre jeu de rôle et se pose un petit peu en réaction à un autre type de jeu, quoi. Si on prend par exemple Tunnel et Trolls, le deuxième jeu de rôle qui est apparu, il s'est construit en réaction à Donjons et Dragons, quoi. Sur plusieurs aspects, notamment, il n'y avait qu'un seul livret de 60 pages en réaction aux 3-4 livrets de Donjons et Dragons qui totalisaient plusieurs centaines de pages, je crois, déjà à l'époque. Et puis, il y avait cette idée d'utiliser des D6 parce que c'était plus accessible que les D20, plus facile à se procurer, quoi. Bon, il y avait pas mal d'autres innovations hein, dans Tunnel et Trolls qui, du coup, se voulaient vraiment comme une alternative à Donjons et Dragons. D'ailleurs, le titre un peu copié-collé, un peu pastiche de Donjons et Dragons, moi, je pense que voulait en dire beaucoup. Du coup, je me suis demandé est-ce que ce que moi j'appelle les jeux alternatifs, c'est des jeux en fait qui font preuve d'innovation. C'est pas gagné parce que d'une part, il y a des choses que j'aurais tendance à encore à étiqueter à alternatifs qui sont très anciennes. Bon, par exemple, Fiasco, Boule de Neige, The Pool. On va avoir du MJ tournant à partir de Prince Vaillant, qui est un jeu des années 90, quoi. Et inversement, y a des jeux super mainstream qui font preuve d'innovation à leur manière, quoi. Hein. L'innovation, c'est pas du tout un critère discriminant, et donc c'est peut-être pas ça qui m'intéresse dans les jeux alternatifs. Je me suis demandé si c'était pas l'agentivité en fait. Bon alors vous avez compris, hein, je parlerai surtout de jeux de rôle, mais ça peut être valable pour les jeux vidéo ou d'autres jeux quoi. Cette idée que ce qu'on cherche, qu'en fait le mainstream ce serait des jeux où on n'est pas vraiment agent, donc ce serait le monde des scénarios directifs notamment, hein. Et que du coup, on chercherait des jeux où le personnage a plus d'impact. Alors après, c'est compliqué, hein, parce que finalement, plus on va donner de liberté aux joueuses, et moins finalement l'impression de liberté peut disparaître quand la liberté devient totale. C'est notamment ce qui arrive quand vous avez le droit de raconter au sujet du décor et des figurants, quoi. Il y a un moment où ça devient un peu vain, et puis on se dit, ouais, mais en fait, si on peut tout faire, rien n'est intéressant, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le constat qui a été fait à une époque avec les jeux génériques, hein. Donc du coup, finalement, est-ce que c'est la gentilité, est-ce que c'est le critère numéro un, est-ce que la liberté c'est le critère numéro un? J'en suis plus si sûr. Un autre critère que j'ai qui m'intéresse particulièrement, c'est la réflexivité, c'est-à-dire que les jeux alternatifs, ce seraient notamment des jeux qui interrogent en fait le média dont ils sont issus. Qui vont interroger le gameplay, qui vont faire des private jokes méta. Bah, je pense par exemple à Stanley Parable, hein, par exemple, qui va interroger justement la liberté de la joueuse avec cette voix off qui va contredire vos initiatives. On va pas se mentir, hein, dans la communauté des gens qui aiment bien les jeux alternatifs, on a un petit peu une course à la différence. Qui est-ce qui va faire, qui va avoir les pratiques de jeu les plus arbies. Donc ça commence très certainement par une recherche d'originalité, quelque chose qui se démarque de la norme. Hein. Et je pense que c'est par exemple ce qui a pu motiver les premiers tenants de la scène old school Renaissance, quoi. Mais en fait, une fois que tu as découvert un nouveau kiff, tu as forcément envie de le partager, ce qui fait que cette recherche de se démarquer, ça dure qu'un temps. Après, on va essayer de faire communauté, c'est ce qui est arrivé avec l'OSR, ça a fini par intéresser de plus en plus de gens, parce que en fait, les premiers participants de la scène étaient tout simplement très prosélytes, très enthousiastes, et ils faisaient partager leur passion, quoi. Et donc au bout d'un moment, bah, c'est plus tellement alternatif. Hein. Si on prend l'OSR, c'est quelque chose d'hyper répandu, qui a percolé jusqu'à DD5. Et donc du coup, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une nouvelle fragmentation en fait quand la communauté a atteint une masse critique. Donc au niveau de l'OSR, je pense par exemple à la scène Sword Dream, donc il y a une scène venue d'Asie du Sud-Est notamment, et qui essaie de proposer une version décoloniale, un peu care de l'OSR qu'on connaît habituellement, quoi. Et bon, après, on va pas se mentir, hein, souvent si on fait des jeux alternatifs, c'est pour pouvoir mieux revenir au classique de temps en temps, quoi. C'est vu comme une respiration et pas forcément une fin en soi. Et je crois que ce qui m'intéresse finalement par-dessus tout, c'est le dialogue entre les scènes. Je pense pas que je puisse trouver mon Graal dans une scène particulière, qu'elle soit mainstream ou alternative. Mais l'idée, c'est de voir émerger des propositions de jeu, ben, qui vont tout simplement cumuler les acquis de différentes scènes. Hein. Alors on va sortir un podcast sur les jeux traditionnels, et notamment justement à quel point ils ont réincorporé tous les acquis des scènes alternatives. Je sais que moi, personnellement, j'ai fait une expérience avec un GN jeu de rôle qui s'appelle Les Centres, où en fait tous les petits jeux, les pico games intéressants qu'il y avait dans le secteur, je les ai synthétisés et j'en ai fait des mini-jeux dans Les Centres. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse, quoi. Après, à terme, si le truc le plus transgressif, alternatif du monde, je crois que c'est encore la disparition du concept de jeu, c'est-à-dire plutôt du concept de livre de base, quoi. Et donc avec un retour au freeform, au jeu maison, au jeu bricolé dans tous les sens. J'avoue que mon kiff du moment, c'est de me trimballer avec un carnet de notes, un tarot, des aides de jeu, et puis on va jouer comme ça. On n'a pas de livre de base, on n'a pas de concept centralisateur, c'est-à-dire qu'on n'a aucun scrupule comment à faire des scènes avec un MJ, des jets de compétences, et puis du scénarisé, puis par-dessus, comment skipper, faire de la narration partagée, poser des questions à la For the Queen. Donc voilà, c'est ça, à terme, on fait disparaître la notion de jeu publié pour être dans une démarche un peu plus bah, de jeu sauvage, quoi. Voilà, c'est sur cet appel à la sauvagerie que je vais vous laisser, et j'ai hâte d'écouter les réponses des autres, qu'ils aient une mentalité plus alternative ou plus classique. Les deux points de vue sont hyper intéressants. Ciao, bisous.